musique. Bonjour. Ma petite Makitoko, viens par là que je t'explique. On va fuir à Mexico, tu vas quitter ton mari. Si y a dra ou quiproquo, t'inquiète, j'ai beaucoup d'amis. J'crois qu'il y a mon nom dans le dico, le chouchou de ses chéris. Como esta Monica, ou plutôt Aminata. En vérité, je ne sais pas où tout ce que c'était bonita. Mais dis-moi où sont mes youf, mais dis-moi que font-ils. Ils doivent gérer des tasses là-bas. J'suis le gentleman 2.0. Je t'aime mais je vais pas te le dire. Chante toi et moi, c'est le classico. On va jouer mais sans arbitre. Je veux le bif de Pablo pour t'offrir ton Medellin. Et tout est noir comme un négro. Refuse de rentrer dormir. On m'appelle Supermano et toi t'es ma kryptonite. Tu peux te mettre sur mes deux coups que si t'as l'air insolide. Parle pas tes acolytes, c'est que des alcooliques. On va coucher, tout est négro, même balèze comme Samson. Pas bon, voler c'est pas bon, voler c'est pas bon. Voler c'est pas bon, voler c'est pas bon. À voler c'est pas bon, voler c'est pas bon. Voler c'est pas bon, voler c'est pas bon. Voler, voler, voler c'est pas bon. Voler, voler, voler, voler c'est pas bon. Vu la taille de ton jean, nous on va te regarder partir. Mais regarde-nous vendre des disques. On va faire ça sans la triche, mais sans la tige, t'es pas jolie. Demande à Kardashian Kim, Kardashian Kim, elle est nebo. Miskin, son fils est un fils de... pain bon, appelez les pompiers. Ce soir on sort pas du club, les videurs m'ont donné les clés. Si tu viens ma cavalière, je t'habillerai en cavalier. Je te porterai sur mon dos. Cavani. Pas bon, voler c'est pas bon, voler c'est pas bon. Voler c'est pas bon, voler c'est pas bon. À voler c'est pas bon, voler c'est pas bon. Voler c'est pas bon, voler c'est pas bon. Voler, voler, voler c'est pas bon. Voler, voler, voler, voler c'est pas bon. C'est pas bon.